Voilà, alors on va terminer avec un titre assez sympa qui de Boosty, un titre électro, vous pourrez retrouver sur boosty.com. Alors Boosty, c'est B2OSTIE.com. Et le titre que nous allons diffuser, c'est Hangar 3 Too Hot pour terminer cette émission. Donc voilà, on vous souhaite une bonne suite des programmes sur Radium. Et on vous dit donc à la semaine prochaine avec encore plein de musique. Plein de musique, mais je pense qu'on va se faire aussi un débat assez sympa donc sur la musique libre avec pas mal d'intervenants. Donc voilà, bah, à très bientôt. Et puis, bonne fin d'écoute sur Radium. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ciao ciao. Bye.